Metal Express avec Eric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h. Vous avez pris donc le bon wagon du Metal Express et c'est Eric avec vous pour vous accompagner jusqu'à 21h. Ce soir encore, c'est un programme d'enfer qui vous attend. Alors j'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil car il va y avoir pas mal de choses, voire pas mal de nouveautés. Je vous rappelle que vous nous écoutez donc sur Radio Heavy Metal, que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission du Metal Express, et ça je vous en remercie. Nous avons également des partenariats radio, il y a Radio Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Voilà, Radio Heavy Metal a également sa page Facebook. Vous tapez Radio Heavy Metal et vous allez trouver ça sur Facebook. Et un petit like au passage ne vous coûte rien. Il y a également maintenant la page Facebook Metal Express. Donc, vous tapez Metal Express sur la page Facebook et vous allez trouver ça également. Et un petit like ne vous coûte rien. Et si vous avez envie de me laisser un petit message, vous n'hésitez pas et j'y répondrai. Allez, on va commencer avec un groupe qui s'appelle Silence of the Abyss. C'est un groupe de métal français donc fondé en 2017. Ils sont corses. Composé donc de Julien chant principal, David guitare et chant, et de Diane à la batterie chant. C'est donc leur premier EP autoproduit. Il est sorti 2018 et c'est un album concept de 7 titres. Le morceau, oh décidément si je commence comme ça, le morceau qu'on va écouter donc s'appelle Off the Trail. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Voilà, donc le groupe s'appelle Silence of the Abyss et le morceau qu'on a écouté, Off Trial. Je vous rappelle qu'ils sont corses, ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ils ont également Instagram et Twitter. Allez, voici en attendant des Suédois, ils s'appellent Angel. Et le morceau qu'on écoute s'appelle The Legacy of Nothing. Voilà, donc c'est un groupe suédois au nom de Angel avec le morceau The Legacy of Nothing, avec donc ce nouvel album, intitulé Abandon All Hope, et donc il est sorti il y a très peu. Allez, voici un groupe qui s'appelle Defiatory et le morceau Dance of the Dead. Également suédois, il s'appelle Defiatory. C'est extrait donc de leur nouvel album, le deuxième intitulé Hades Rising, sorti donc le 11 mai, donc il y a pas très longtemps. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Dance of the Dead. Allez, ça s'appelle Gunjack avec le morceau Bloodbath. Bonne écoute! Bloodbath! Embrace Voilà, ça s'appelle Gun Jack avec le morceau Bloodbath. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, également sur Radio Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h et vous êtes dans le Metal Express. En attendant, voici Skinless et le morceau Scrolls Session. Leur sixième album donc, qui s'appelle Savagery, sorti le 11 mai. Le groupe américain Skinless, donc à l'instant dans le Metal Express. Allez, voici pour vous dans le Metal Express, Devil Joe and the Bad Dog Men. Ça s'appelle Battle Blues. Bonne écoute. We'll be right back. L'album s'appelle le Press Remind. C'est sorti donc le 4 mai. Et donc le groupe s'appelle le Devil Joe and the Bark Dot Men. Ils sont stéphanois, donc c'est excellent. Ils ont une page Facebook. Et puis également, vous pouvez aller les écouter sur Bandcamp. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Omination. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Swords the Holocaust. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Ce groupe donc est tunisien, il s'appelle Omination, avec le nouvel album qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, de ce mois-ci d'ailleurs, du mois de mai. L'album s'appelle Followers of the Apocalypse. Et donc, ils ont une page Facebook. Et puis, également, vous pouvez les retrouver sur Bandcamp. Allez, voici maintenant un trio avec un groupe qui s'appelle Fried Toad. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Mission. S'appelle Fried Toad. Ils sont français, donc Cocorico, c'est du très bon old school death metal. Ils ont une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour, et ils ont également sur, je pense qu'ils sont également sur Bandcamp, si je ne me trompe. Et puis c'est produit donc chez Promotion, mythicpromotion.com, voilà. Le prochain morceau donc s'appelle Pulsar Colony et puis ça s'intitule Dead Horse Mountain. Bonne écoute dans le Metal Express donc, et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h et vous êtes dans le Metal Express. <t'-> Ce groupe donc est américain, il s'appelle Pulsar Colony et on vient d'écouter donc un long morceau qui s'appelle Dead Horse Mountain. Donc vous pouvez les retrouver donc sur Facebook et également sur Bandcamp. Allez, voici Audrey Horn avec le morceau Midnight Man. Je vous rappelle que vous êtes dans le Metal Express et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Hard rock, donc c'est Audrey Horn avec le morceau Midnight Man. Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, les dédicaces, donc comme chaque semaine, comme vous me les demandez. La première, donc, c'est demandée par une fidèle de l'émission Metal Express et de Radio Heavy Metal, c'est Valérie Rebas, donc qui demande Stratovarius avec Eagle Earth. Et puis suivi de Vandalen avec Jump, donc on va sauter dans le studio. Et puis il y aura également Mass Hysteria avec Furia. Et ce morceau donc est en hommage donc à Patrick Roy. Allez, on va commencer avec Stratovarius. Bonne écoute et puis en même temps, Valérie, je t'embrasse au passage. Thank you. Voilà, donc, dans l'ordre, on a eu Stratovarius. J'ai eu de l'écho, c'est pas facile à parler. Donc, je disais donc, à l'instant, on a eu en premier Stratovarius avec Eagle Earth, et puis suivi de Vandalen avec Jump. Et puis, à l'instant, donc, on a eu Mass Hysteria avec Furia. Et ça m'a été demandé par une fidèle de l'émission Metal Express et de Radio Heavy Metal, donc c'est Valérie Rebas. Prochaine dédicace, donc c'est Angelina pour Rodolphe et Totoff de Nior. C'est le nouvel album donc de Suicidal Tendencies et ce morceau qu'on va écouter, Nothing to Lose. Donc c'était Suicidal Tendencies avec Nothing to Lose et ça a été demandé par Angelina pour Rodolphe et Totoff de Niort. Donc la prochaine dédicace, ça m'a été demandé par Yann de Roubaix. Il demande Cannibal Corpse, le dernier album, et le morceau qu'il m'a demandé s'appelle Red Before Black. I'm Voilà, donc c'était Cannibal Corpse avec Red Before Black. L'album, pardon, porte le nom de ce titre qu'on vient d'écouter. Et ça a été demandé donc par Yann de Roubaix. Prochaine dédicace, donc c'est Jean-Pierre de Nice. Il demande de Judas Priest et le morceau Firepower. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Stop. Un excellent album, donc Judas Priest avec Firepower. Et ce morceau donc m'a été demandé, si je retrouve la fiche, puisque je l'ai perdu, c'est Jean-Pierre Denise. Donc, prochain morceau, c'est Nono. Eh ben oui, le petit robot. C'est Nono qui m'a demandé donc Vulcain, avec le morceau Call of Duty, extrait donc de l'album V8, qui est sorti le 22 avril 2013. Allez, on écoute Vulcain. En attendant, Marc Varèse au passage. Salut, c'est Marc Varèse du groupe Vulcain et vous écoutez Metal Express avec Eric sur Radio Heavy Metal. Avec Call of Duty, et puis ça a été demandé donc par Nono. En attendant, une seconde dédicace, et ça c'est Daniel qui a demandé Dio, et ça s'appelle Night People. Bonne écoute. Do you like the way it moves? Do you come alive when the eyes? Avec Night People, et ça a été demandé donc par Daniel de Toulouse. En attendant, on va s'écouter un groupe qui s'appelle Follow the Cipher et le morceau qu'on va écouter, My Soldier. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Voilà donc que le groupe s'appelle Follow the Cipher. Ils ont une page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like fait plaisir au passage. Je vais avoir du mal, c'est la fin. Et puis, bien voilà quoi. En attendant, on va s'écouter Necrophia avec Xénophobie. Bonne écoute dans le Metal Express. Voilà, donc le groupe s'appelle Necrophia et le morceau qu'on a écouté s'appelle Xénophobie. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, maintenant on va écouter deux nouveautés de chez Mythic Productions. Le premier donc, Scarlen, extrait de l'album Ghost, et ce morceau s'appelle Get Away From Me, suivi de Dirty Protest avec Master Blood. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We Voilà donc. En premier, donc, on a eu Skerlen avec Get Away From Me. Et puis, à l'instant, donc, Dirty Protest avec Master Blood. Donc, ces deux albums sont donc en sortie, le Skerlen le 25 mai. Et puis, donc, Dirty Protest, oh, j'ai du mal, le 18 mai. Et donc, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mystic Productions. Et puis, ces groupes, vous pouvez également les retrouver sur Facebook. En attendant, voici Circenses avec Lunacy. Bonne écoute. Le groupe s'appelle Circenses et le morceau qu'on a écouté, Lunacy. Allez, voici Maynard avec Begin for Emotion. avec le morceau Begin for Emotion, donc à l'instant dans le Metal Express. Voilà donc, malheureusement, il est l'heure de nous quitter, donc on se retrouve nous la semaine prochaine, donc lundi prochain, 19h-21h. Je vous rappelle donc que l'émission sera en rediffusion sur Canal Fuzz Radio mardi de 20h à 22h et sur Radio Fréquenzik dimanche de 21h à 23h. Le podcast de l'émission donc sera pour demain sur la page Facebook Radio Heavy Metal et sur la page Metal Express. Voilà. Donc si vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas. Un petit message, si vous êtes un groupe de hard rock, de rock, n'hésitez pas surtout. Je répondrai et puis vous passerez à l'antenne sans problème. Allez, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi. Allez, ciao !